Ouais, la mif, j'suis navré. J'savais, la belle vie, c'est pas vrai. J'suis dans la zone en bavé. J'parle au bavé. Bientôt, j'm'en vais. Tous les chemins que je prends sont en travaux. 6 heures du mat, j'marche de travers. On m'a dit ce qui paye, c'est le travail. 6 heures du mat, j'marche de travers. Rien que tu parles, mais toi tu sais pas ce que je traverse. Voilà, tu sais pas que 6 heures du match, je marche de travers. Comme un fou. En ce moment, je suis grave. Pas c'est malhonnête, pas c'est pique. Demande pas t'aider si tu veux pas bouger ton cul. Demande pas t'aider si tu veux pas bouger ton cul. Je vois maman s'inquiéter à voir que son fils est trop têtu. On va pas s'arrêter avant de reprendre ce qui nous est dû. Y'en a jamais assez. De toi je peux me débarrasser. Trop y'en a jamais assez. De toi je peux me débarrasser. Et en ce moment c'est hyper dur. La galère fait qu'on fume la verdure. Mais y'a pas que ça qui me perturbe. Plus j'avance, plus je sens que j'suis perdu. En vrai je suis carbo, faut remplir le sac à dos. Les mains sales moi j'sors du charbon. Trop de chevaux sous le capot, lourd est mon fardeau. Rester dans cette merde c'est pas bon. Je voulais me la mettre à l'envers. Moi j't'ai anticipé. J'ai connu la galère, la misère. J'étais chargé dans l'escalier. Ma vie tu t'es jamais soucié. Maintenant tu fais que de me biper. Est-ce que t'as capté? Moi, bien sûr, j't'ai capté. Elle te fait dépenser, veut de la détente, pas se marier. Elle fait la meuf bien, c'est juste une conne bien maquillée. Elle te fait dépenser, veut de la détente, pas se marier. Elle fait la meuf bien, c'est juste une conne bien maquillée. Et y'en a jamais assez. De toi, j'peux me débarrasser. Trop, y'en a jamais. Je peux me débarrasser. Trop y'en a jamais assez. De toi je peux me débarrasser. Et en ce moment c'est hyper dur. La galère fait qu'on fume la verdure. Mais y'a pas que ça qui me perturbe. Plus j'avance, plus je sens que je suis perdu.